Je repense à ces mots qui me font tant de mal et me collent à la peau. J'aime beau essayer, mais je n'ai plus la force de composer ton numéro. Et j'ai froid et j'ai peur, la douleur m'envahit, mon âme pleure. Regarde-moi, je me meurs. Cette femme bien roulée m'a piégé, elle s'est jouée de nous, tu sais. Au diable, elle ira brûler. Mais היה חונשות, היה שתי קורבוק.